déjà trouvé le. Faut un truc pour le BPM là. Ouais. Un... Ça s'appelle BPM des J'ai pas la batterie qu'il faut, je sais pas ce que c'est comme batterie là-dessus. J'ai toujours la même batterie moi. C'est pas ça là, c'est quoi qu'il faut que je trouve? Comme. C'est quoi ce rythme déjà? Du shuffle là. Ça, là, ça va. J'ai trouvé que ça. C'est déjà le premier riff. Le riff. Ah merde, c'est peut-être sur une touche qui fallait pas. Oh là là là là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi, c'est une bêtise. C'est décalé non? Oh, c'est pas bien calé. C'est calé là. Sometimes va pouvoir faire l'original. En 64, on peut faire quoi? Attends. On va essayer en 64. Ça fait. Bon, attends, allez, on va essayer. Tiens. Allez, on vote. C'est chiant, mais il faut voter dans la vie. On commence par un refrain. Bon, et bien une petite binouze. Non, il n'y a pas trop. Faut que je baisse un peu parce que je vais finir vraiment d'être sourd. C'est voté. The light.